السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, on va commencer la traduction succincte de ce qu'a dit Cheikh Hafizallah Azza wa Jal. Donc le cours intitulé L'art et la manière de concilier ou reconcilier dans l'islam. Donc Cheikh a dit Hafizallah Azza wa Jal, certes, ce sujet est important et chaque musulman en a grand besoin. Les causes des divergences et des haines entre frères, époux, est évident à cette époque. Ce sujet est pour montrer son importance et que chacun d'entre nous connaisse et sache cette importance. Et aussi, donc ce sujet a pour but d'enlever et de faire disparaître les causes et les disputes que l'on retrouve chez beaucoup de gens. Et bien sûr, le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sont pleins d'exemples en ce qui concerne justement la conciliation entre les gens. Et on y retrouve l'ordre ainsi que les valeurs de cette conciliation. Et Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Nisa, verset 114, il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. Vous voyez, celui qui concilie entre les gens avec sincérité, comme il est demandé dans ce verset, qu'ils se réjouissent, comme on le voit aussi à la fin du verset, qu'ils se réjouissent de quoi? D'une grande récompense. Et certes, certes aussi, Allah ne perdra pas la récompense de ceux qui concilient. Et celui qui pardonne et concilie entre les gens, bien sûr, aura cette récompense qui est énorme. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une traduction qui est rapprochée, donc il n'y a pas de meilleur, c'est-à-dire, ne vais-je pas vous prévenir de ce qui est meilleur que la prière, le jeûne et l'aumône? Donc il dit oui au prophète, donc il dit concilier entre les gens. Donc vous voyez bien que concilier est au-dessus de prier, jeûner et faire l'aumône. Donc on retrouve ces grandes adorations en dessous, moindres. Elle possède une valeur qui est moindre que le fait de concilier entre les gens. Et pourquoi? Parce que cela enlève et fait disparaître l'animosité et le danger qu'il peut avoir justement dans ces disputes-là, dans le fait de justement ces haines et ces disputes qu'il y a entre les gens. On retrouve aussi que Allah nous ordonne dans son Saint-Coran de concilier entre les gens. Il dit craignez Allah et conciliez entre vous. Donc Allah nous ordonne et concilier, c'est un impératif, faire le amrin. Donc cet impératif montre bien que c'est un acte qui est obligatoire. Et aussi il dit Azza wa Jal, certes les croyants sont frères et conciliez entre vos frères. Et on retrouve aussi dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut un écrit entre les muhajirines et les ansar, lorsqu'il les a bien sûr rendus frères, donc il ordonna de concilier entre eux. Il leur donna de quoi? De consigner entre eux, entre les Mouhajirines et les Ansar. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré toutes ses occupations, surtout lorsqu'il venait d'arriver à Médine, qu'il fallait structurer, c'est-à-dire cette ville. Donc, malgré toutes ses occupations, il est parti à Quba. À l'époque, Quba, si maintenant elle fait toujours partie de Médine, à l'époque, ça ne faisait pas partie, bien sûr, de Médine. C'était en dehors de ce qu'on appelle de la ville de Médine à l'époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Quba parce qu'il y avait un problème entre les personnes. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, venez avec moi, on concilie entre eux. Venez avec moi, on concilie entre eux. Donc regardez, donc le fait de concilier. Alors que, regardez un peu comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on voit qu'actuellement, si telle ou telle personne ont quelconque divergence entre eux, actuellement on ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'on dit, ça ne nous touche pas, parce qu'on dit, je ne veux pas entrer dans les histoires. Alors actuellement, ce n'est pas mon problème, je ne veux pas entrer dans les histoires. Alors que cette parole, même si a priori, elle paraît bien, le fait de s'écarter, on va dire entre guillemets, des problèmes, mais là, ce n'est pas le fait de s'écarter des problèmes, c'est de vouloir concilier entre les gens qui est, regardez, une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce qu'on a vu avec l'histoire de Quba. Donc il y a bien sûr, en ce moment-là, quoi, donc une divergence ou bien un manquement à la sunna à ce sujet. Donc Ibn al-Qayyim, rahmallah, rapporte les conditions de ce sujet lorsqu'il dit que la personne doit connaître le sujet. Elle doit, donc elle doit connaître la situation comme il le faut, et elle doit connaître aussi, elle doit être savante des statuts, des règles religieuses à ce sujet. Première, deuxième, donc ça c'est la deuxième condition. La troisième, c'est qu'elle ait comme intention justement d'arranger entre les gens. Il faut qu'elle ait un qasd, une niya. Donc, et si la personne a, lorsqu'elle arrange entre les gens, lorsqu'elle concilie entre les gens, et que la personne justement retrouve en elle ces trois conditions, donc je répète, donc les trois conditions qu'a cité Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, c'est que la personne doit connaître, la personne qui concilie doit connaître la situation, doit être au courant de la situation afin de pouvoir juger comme il le faut, de savoir ce qui s'est passé et où ils en sont arrivés, c'est-à-dire comment a commencé l'affaire, que s'est-il passé et où en sont-ils arrivés dans cette affaire, afin de pouvoir juger comme il le faut. Deuxièmement, il faut être savant, donc parce que le statut est d'être, avoir la connaissance de ce statut religieux, parce que sinon tu vas te tromper. Et le problème va rester, va demeurer, Naam. Donc le problème va rester et aussi il va demeurer. Et cela, toujours afin que tu puisses, bien sûr, donner le statut exact de cette affaire. Et troisièmement, que l'intention soit pour Allah Azza wa Jal. Donc il faut être sincère à ce sujet. Ça, c'est très important. Parce que celui qui le fait pour autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire pour. Celui qui le fait pour Allah Azzawajal aura déjà, comme on l'a vu par rapport au verset, une énorme récompense. Et celui qui cherche à obtenir un bien, c'est-à-dire d'ici, de la vie d'ici-bas, à ce moment-là, bien sûr, il y aura autre que ça, que cela. Donc il faut, comme a dit Mokhtem, être savant dans la situation actuelle. Il doit connaître. Donc il doit être savant aussi dans par rapport au statut de cette. De quoi, de cette affaire, et aussi il doit être bien intentionné. Donc bien sûr, et celui qui fait ça aura, bien sûr, il sera meilleur que celui qui prie, qui jeûne et qui donne l'aumône. Et il y a toujours par rapport à cela certains comportements à adopter. Donc premièrement, c'est qu'il soit doux. La personne doit être douce, large d'esprit, car il va entendre à son insu de mauvaises paroles. Le fait qu'il va ordonner le bien, donc il va aller ordonner le bien et réprouver un mal lorsqu'il concilie. Donc il faut qu'il se prépare à quoi? à encaisser en fin de compte les mauvaises paroles qui seront proférées contre lui. Donc la personne doit être sage. Il doit savoir quand il parle. Il doit savoir quand il se tait. Donc il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut se taire. C'est-à-dire quand est-ce qu'il faut montrer sa joie aussi. Quand est-ce qu'il faut montrer sa colère. Et à ce moment-là, bien sûr, il ne doit pas oublier que les gens sont différents, leurs tempéraments sont différents. Donc il faut, bien sûr, avoir de la science dans ce sujet. Et lorsqu'on voit que les gens sont différents, on remarque que certains, il suffit que tu leur parles, cela les calme. Enfin, il suffit que tu les laisses parler. Il y a des gens, cela suffit, tu les laisses parler, parce qu'ils aiment bien. Donc il va se vider, entre guillemets, il va se vider, et il va dégager sa colère, il va se plaindre, il va dégager sa colère, et ça va lui suffire. Et une fois qu'il sera bien vidé, toi tu pourras, après cela, lui parler, et il acceptera de toi, Inch'Allah, Azzajal. D'autres ont besoin de rappel, hein, afin qu'ils pardonnent, par exemple, parce qu'il est possible que ils ont raison, ils ont un droit envers une autre personne, mais à ce moment-là, il y a moyen des fois, bien sûr, de leur faire accepter une fois qu'on leur a fait un rappel. Et d'autres encore, eux veulent des conditions. Donc en ce moment-là, ils veulent telle ou telle condition. Donc il faut aussi, bien sûr, savoir, c'est en fin de compte, comment juger, ou c'est-à-dire comment faire, hein, comment procéder avec toutes ces catégories de personnes. Et toujours, parmi ceux qui concilient, donc il faut savoir aussi, des fois, comment il faut, c'est-à-dire juger, c'est-à-dire le fait de ne pas se mettre, mafalan, avec un parti, hein, au déprimant de l'autre, mafalan. Et après, parce que cela ne va faire qu'augmenter ce problème. Donc on va retrouver un deuxième problème. Il y avait un problème à l'origine, et on retrouve un deuxième problème parce que là, une personne, au lieu de concilier, se retrouve, hein, c'est-à-dire auprès d'une partie va se retrouver, c'est-à-dire auprès d'une partie au déprimant de l'autre. Et certains aussi, qui parmi ceux qui concilient, veulent que quoi, que tout se termine tout de suite, sans presse. Hein. Ils veulent tout, que tout se termine tout de suite, que tout soit fait en même temps. Alors que bien sûr, à ce moment-là, bien sûr, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça. Donc il faut, des fois, même on voit, des fois il va falloir quoi, laisser tomber la chose et revenir plus tard. Il y a des moments où la chose ne va pas s'arranger en une seule assise. Donc il va falloir partir et revenir plus tard, voire laisser quelques jours. Et il faut, bien sûr, dans ce cas, être doux et savoir parler avec calme. Donc il faut savoir aussi être doux dans sa façon de parler afin de calmer les parties. Et aussi, si la conciliation amène à un grand mal, donc que le conciliateur délaisse cela. Il faut que le conciliateur délaisse cette assise ou cette conciliation si cela amène un grand mal. Ou bien si on force l'une des deux parties, hein, afin de délaisser son droit. Enfin, quelqu'un a un droit envers un autre. Et on le force à délaisser son droit. Donc il peut commettre des erreurs, ou si c'était forcé à l'autre afin de rendre le droit, on peut très bien, lorsqu'on le force à lui rendre le droit, peut-être qu'en ce moment-là il n'a pas les moyens, donc il va avoir honte, il va peut-être s'endetter, ou il va vendre des choses qui étaient chez lui, parce qu'il ne peut pas peut-être rendre le droit, je veux dire tout de suite, il ne peut pas rendre le droit sur le champ, nam. Et il faut aussi, bien sûr, choisir, hein, bien sûr, qu'on peut aussi, bien sûr, par rapport toujours, on peut à la fois, on peut mentir, hein, comme il a dit, pour concilier. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est pas menteur celui qui concilie entre les gens, qu'il dit du bien et qu'il parle d'un tel en bien, hein, qu'il dise du bien et qu'il parle d'un tel en bien. Donc il t'est permis de mentir, comme le fait de dire, non, un tel n'a pas dit ça sur toi, maintenant il t'aime bien, il dit du bien du toi dans telle ou telle assise. Alors qu'en vérité, il ne dit pas cela. Et il est permis, parce que le résultat, hein, et le résultat qu'il est demandé, c'est justement la conciliation. Donc en ce moment-là, on peut. Et il faut toujours, bien sûr, par rapport à cela, que le bien l'emporte. Donc la niya, l'intention est quoi? Et la conciliation. Et bien sûr que la conciliation aussi toujours soit un bienfait. Donc on revient aussi, c'est à ce moment-là, on va revenir aux personnes. Donc que la personne sache la valeur du pardon, hein, même si la personne a raison. Même si la personne a raison. Mais que la personne sache et connaisse la valeur de ce pardon. Certes, Allah a dit, donc si tu pardonnes, certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc voilà le résultat de celui qui pardonne. Il va acquérir et il va profiter de cette bonne annonce qui est quoi? Le pardon d'Allah et sa miséricorde. Et quoi de mieux que de recevoir le pardon et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc aussi, toujours, donc dans le sens du verset où Allah Azza wa Jal dit, donc si tu pardonnes, hein, si tu pardonnes, donc il dit aussi, si tu pardonnes, donc certes, donc cela est plus proche, même, cela est plus proche de la crainte, ou aqrabu littaqwa, même, cela est plus proche de la crainte. Donc pardonne, afin que tu obtiennes cette qualité de celui qui pardonne, parce que c'est une noble vertu, c'est une bonne qualité, que le fait d'essayer de pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas, tu resteras en fin de compte dans ce problème, tu n'arriveras pas de sortir dans ce problème. Et il est cité dans Sahih Muslim, hein, que les portes du paradis s'ouvrent tous les lundis et jeudis, et Allah Azza wa Jalla pardonne à tous ceux qui ne l'associent pas, sauf celui qui a une animosité ou celui qui a une discorde avec son frère. Et il dit à Allah Azza wa Jalla, retournez celui-ci avec, bien sûr, cette discorde. Donc, retournez-le. Donc, sache. Donc, vous voyez que ses actes repartent. Pourquoi? Parce qu'il est en discorde avec son frère. Tous les lundis et le jeudi. Tous ceux qui n'associent pas. Donc, à quoi ça sert, à ce moment-là, d'avoir des discordes si. Et de rester avec, surtout, si les lundis et le jeudi, hein, nos actes reviennent. Subhanallah. On a son nom, wa salam. On sache aussi que si tu laisses ton droit et pardonnes, donc tu n'es pas avili. Ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt c'est un honneur pour toi. Et toujours il est rapporté aussi dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah augmente à son serviteur. Allah va quoi? Va lever ou va élever, hein, son serviteur, le pardon et l'honneur. Hein? À son serviteur, c'est-à-dire le pardon, l'honneur. Allah va quoi? Va augmenter, c'est-à-dire à son serviteur qui pardonne, quoi? L'honneur. Allah va l'élever dans l'honneur. Et cela n'est pas une faiblesse. Mais plutôt, ceux qui pensent cela, qui sachent que cela vient de Shaitan. Le fait de pardonner, ce n'est pas une faiblesse. Et ce n'est pas un avilissement. Mais si tu laisses ton droit, Allah t'augmente, va augmenter ton honneur, va élever cet honneur dans les deux mondes, hein, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ce hadith, donc, doit être en face de tes yeux. Ça doit être un manhaj, une voie pour toi, hein, et pour toute ta vie, afin que tu prennes justement, quoi, justement, afin que tu pardonnes. Et Allah, et nous, sans oublier que Allah te pardonnera. Et bien sûr, on va passer à un autre point qui est une question. C'est-à-dire, bien sûr, cette question est que, bien sûr, on veut, c'est-à-dire la réponse. Et cette réponse est pourquoi, c'est-à-dire, hein, pourquoi on voit cela chez les musulmans? Pourquoi cela arrive-t-il chez les musulmans, hein? Donc pourquoi? Et comment faire aussi, toujours, afin que cela n'arrive pas chez les musulmans, hein? Et que cela, bien sûr, devienne, bien sûr, profitable. Donc, oh, ceux qui suivent, donc Shir dit, il nous, bien sûr, il attire, il veut que, enfin, quand il veut que, attirer l'attention sur nous, afin de dire, il dit, oh, ceux qui assis, que, donc, oh, ceux qui suivent la voie des dieux prédécesseurs, donc prends soin, donc on prend soin justement beaucoup des problèmes. Si on prenait soin justement de ces problèmes, il n'y arriverait pas, bi'iznillah azza wa jal. Et comment? Justement par plusieurs méthodes, par plusieurs, donc à ce moment-là, il faut être doté de plusieurs vertu ou caractéristique. Premièrement, c'est d'être doux, de ne pas s'énerver, ce qui est la plupart des causes. On sait que l'énervement, la colère, est la plupart des problèmes. Donc il faut être doux et ne pas être nerveux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, ô envoyé d'Allah, donc lorsque l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ô envoyé d'Allah, conseille-moi, il dit, ne t'énerve pas. Et cela, à chaque fois qu'il revenait vers lui, conseille-moi, il disait sallallahu alayhi wa sallam, ne t'énerve pas. Afin justement, là on voit, et on voit l'importance de cela, jusqu'à ce qu'un compagnon dise, j'ai réfléchi sur cette parole, et j'ai remarqué que l'énervement, que la colère, englobe tous les maux, que la colère englobe tous les maux. Et parmi ces maux, il y a le divorce, beaucoup de maladies, hein, comme le DART, c'est-à-dire le fait de l'hypertension maintenant, aussi le JALTA, ce qu'on appelle JALTA, donc c'est les phlébites par exemple, et autres, en fin de compte toutes les maladies qui seront liées à la circulation du sang. Et on voit aussi bien sûr les bagarres, les meurtres et autres, hein, et les disputes et autres. Donc on voit que cette colère est en vérité un mot, est un mal, afouane, de société. C'est un problème de société. Donc deuxièmement, c'est d'être doux aussi. En fin de compte, en arabe, bien sûr, on va retrouver deux mots différents, mais en français, ils peuvent être appelés communément doux. Donc doux dans son acte, sa parole, ne pas s'empresser, ne pas, c'est-à-dire écouter la personne et s'empresser à vouloir juger directement, mais plutôt, il faut vérifier est-ce que l'annonce est vraie. Donc il faut ne pas s'empresser, mais plutôt vérifier est-ce que c'est vrai, sans s'emporter. Donc il faut être doux, hein, dans, bien sûr, dans nos relations et notre amour les uns envers les autres. Donc aussi, celui qui a eu cela, et alors même, je ne sais plus si c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, naam, c'est un hadith, naam, donc celui qui a sa part, qui a eu sa part de douceur, a eu sa part de bien, et celui qui est privé de douceur est privé de bien. Donc vous voyez bien que quoi, que la douceur est le bien, comme l'appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, il faut être patient, armé de patience. Donc il faut bien sûr ne pas toujours s'en... Donc il faut être armé de patience parce que tu vas être éprouvé. Donc éprouvé, même pour celui qui aurait une épouse qui serait dure, hein, ou bien éprouvé par ses amis, ses parents. Vas-tu les éliminer, hein? C'est-à-dire, vas-tu éliminer la relation que tu as avec eux, ou vas-tu patienter? Donc, et Allah Azza wa Jalla dit, donc, certes, certes, Allah donne aux patients sans compter. Certes, Allah donne aux patients sans compter. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne n'a obtenu meilleur que la patience. Personne n'a obtenu meilleure chose que la patience. Non. Troisièmement, quatrièmement, afwan, être large d'esprit. Donc il faut avoir wasa'as-sadr, c'est-à-dire le fait d'avoir une largesse. Donc la personne ne doit pas être jalouse, envieuse, énervée, ne doit pas avoir de haine envers ses frères, ni elle ne médit. Mais plutôt, elle devrait avoir un bon cœur. Hein? Et cette personne-là, qui est dotée de ses vertus, aura une bonne annonce de la part d'Allah Azza wa Jal. Hein, le jour où le bien, comme il dit Azza wa Jal, le jour où le bien et l'enfant ne seront pas profitables, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Cinquièmement, s'empresser à lier les liens, hein, à nouer les liens avec les gens. Il faut s'empresser de nouer les liens envers les gens. Donc la situation des musulmans, on voit que les musulmans sont faibles, on voit que leur situation est justement est faiblesse. Et cette situation peut se renforcer dans nos rapports entre nous, dans nos liens, surtout pour nous qui sommes, qui se disent et prétendent, hein, être de la voie des salafs. Donc il faut fin de compte, se visiter, s'offrir des cadeaux, s'appeler, se donner des bonnes paroles. Cela, toutes ces choses-là renforcent les liens. Sixièmement, il faut aussi mettre, donc sixièmement, il faut mettre en garde contre le fait de ta'assoub, donc le fait d'être borné, hein. C'est-à-dire le fait d'être borné, maintenant, je suis algérien, donc il n'y a pas mieux que les Algériens. Je suis marocain, il n'y a pas mieux que les Algériens, les Marocains, par exemple. Donc on ne doit pas avoir justement ce comportement-là. Donc on ne doit pas être borné par rapport à son pays, par rapport à un chir quelconque. Donc le musulman doit suivre la vérité, il doit être exempt de toute passion. Donc il doit t'arranger. Hein? Il doit t'arranger justement et concilier envers les gens. Donc septièmement, la personne qui concilie, bien sûr, doit avoir un illustre comportement. Et cela est perdu chez beaucoup de gens. Donc la personne soit avec son ami, c'est-à-dire son couple, et les autres, donc la personne, bien sûr, doit fermer les yeux par rapport aux erreurs que la personne commet en face de lui. Il ne faut pas être comme un inspecteur, comme un enquêteur, et rechercher que les erreurs, être méchant, c'est-à-dire à chaque fois, mais plutôt, hein, ne demande pas pourquoi tout le temps ceci, pourquoi tout le temps cela, mais plutôt tais-toi si tu vois, hein, des erreurs. Tu fais comme si tu n'avais rien entendu et comme si tu n'avais rien vu. Septièmement, donc il faut aussi faire attention au péché, parce que le problème, bien sûr, persiste dans cela. Donc la personne doit justement ne pas oublier que les péchés sont les causes de nos problèmes et que chaque épreuve ne vient que par nos mains, et cela est de notre part, hein, que l'acte que l'on commet, l'acte, même l'acte qui vient du cœur, hein, qui ne doit pas être jaloux, la personne ne doit pas être jalouse, ne doit pas être orgueilleuse. Donc il faut se repentir à Allah Azza wa Jal afin d'obtenir le bonheur dans les deux mondes. La personne doit craindre Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit, par rapport à cela, accrochez-vous à la hanse d'Allah ensemble, tous réunis, et ne vous divisez pas. Donc voilà comment qu'il faut être dans ce domaine. Donc la traduction est terminée. Barakallahu fikum pour votre patience avec nous. Jazakallahu khair. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.